Thank you. the singer. Of course, the bass drop the groove and you got the fucking bass in the sea. Watch as we have the groove and you got the fucking bass in the sea. You got the fucking bass in the sea. Watch the groove. Thank you. Tú o papá, cara. Thank you. Thank you. quand on est perdu, quand on a plus de sens, quand on n'a pas le schéma pour en prendre, quand on n'a pas le coupable, quand on ne voit pas, quand on n'a pas senti. On est à côté. On est à côté.